Yeah. C'est toujours le philosophe. Big. Yeah. Pour commencer, je m'appelle Olivio. Mais tout le monde m'appelle Oli. T'as vu, c'est simple comme nom d'artiste. Nom d'artifice, pas de folie. J'ai été avec un truc plus cool, mais je me suis recentré. Le type tu vois sur scène, c'est même en vrai. Je suis né à Villeneuve sur l'Aude. Je sais que ça fait pas ça. Là où peu de gens ont mis les pieds. Le genre de bled pas sur la carte deuxième. Une petite famille entre Argentine et Algérie. Ma mère me dit que je suis né sur un éclat de rire. Calme, un peu rond. Pourtant le fils d'un main pétard. Déjà une grosse tête. C'est pour ça que je l'ai pas pris plus tard. Retour à l'hôpital, mes poumons sont atteints. Depuis ces jours, je prends un grand bol d'air. Chaque matin, flash d'engueulade, maman l'allumette, tu vas pas les temps. Derrière la porte, j'entends qu'il a failli se barrer à ma naissance. Mais envers nous, leur amour se porte garant. Et on a eu la chance de grandir avec nos deux parents. Mon grand petit frère, comme je l'appelle, m'écarte de l'ennui. Depuis ma naissance, j'ai pas le souvenir d'une putain de seconde sans lui. Famille moyenne, on voulait rajouter des zéros. Sacrifice pour une maison tranquille dans le quartier de Nogaro. La honte quand les voisins nous filaient leurs vêtements trop petits. Depuis j'ai promis à ma mère de rembourser le crédit. Traîner avec Pierrette, grand-mère d'adoption donnant des ailes. Je revois cette ambulance devant chez elle. Avec l'écriture on adorait s'évader. Des jumeaux toujours ensemble. Une histoire de deux frères qui écrivent dans leur chambre. Pas d'alcool, pas de drogue, une promesse sur une poignée de main. Le vin on le connaissait déjà trop bien. Je voulais m'exprimer, quitter la routine et ses barrages. Peut-être ça m'emmènera à trouver une vieille trompette dans le garage. Au fond de la classe on est que je m'évade, mec. En cours de maths, la tête ailleurs, le propre marque. Je pense déjà qu'à faire des mic check. En surveille, loin de là, chemise obligatoire. Toutes les heures, dans les couloirs du conservatoire. Au foulé des boîtes, je côtoie l'intolérance. Dans les manifs, avec Yannick, ça défend notre France. Wawa, wawa do beatbox. Intro de légende, tous dans sa voiture. Je lui dis hip-hop, et j'ai 17 ans, jour de ma signature. Voilà le parcours, je gratte chaque jour. Je lâche ma foudre dans tes oreilles, j'embrasse la foule. Casse ma foudre, je lâche l'amour, j'ai pas sommeil dans. J'écris la nuit, j'étudie la journée. J'ai mon bac et puis s'enchaîne la tournée. Notre mère, une lumière dans la brume. J'ai vu cette guerrière chasser son cancer comme si c'était un rhume. Tout va vite, c'est pour le public, je veux être exemplaire. Et dans mes rêves, j'ai des flashs de mon grand-père qui fait la guerre. Je te parle du fond de mon cœur, vrai, un peu blessé. Et je te souhaite que du bonheur, comme si on se connaissait. Je suis maladroit, le petit gars bizarre qui s'invente son monde. Et aime vous le raconter, avant l'amour j'y croyais pas. Trop timide pour ça, jusqu'au jour où je l'ai rencontré. Quelques craques sur ma route, ouais. Bien sûr je doute, mais j'ai de l'amour dans ma cour. T'es dans le sac de trois couplets. Insatisfait, tête en l'air, retardataire. Je vise la lune, mais quand j'y serai, je viserai la terre. Ouais, je viserai la terre. Oli, le philosophe. Pour finir, je m'appelle Olivio, mais tout le monde m'appelle Oli. T'as vu, c'est simple comme nom d'artiste, ton artifice, pas de folie. J'hésitais avec un truc plus court et je me suis recentré. Le type tu vois sur scène, c'est le même en vrai. C'est le même en vrai. Yeah. Samedi 8 avril, on finit les voix à Toulouse. L'album sort bientôt. J'ai peur, mais je rappe. La vraie vie, celle qui s'oublie parfois. Pas nous. Non, mais je t'emmène.